comme une gueule, là t'es accro. Tu m'aimes, c'est pas de ma faute. J'ai juste glissé sur ta peau. Ce vie maintenant t'es accro. Baby, tu sais déjà ce que je voulais. Moi ce qui m'intéresse, c'est de voir ton tonga twerker. Notre mort, tu sais ce qu'elle valait. Elle ne m'intéresse que quand on ferme les volets. Ouvre-moi la porte, ça sera ici ou là-bas. Semblant, non je fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Fais pas semblant, je ne fais pas semblant. Non, je ne fais pas semblant.